On va parler avec un gars qui a marqué, qui a réussi une récolte de 6 points en fin de semaine. Il est le meilleur marqueur de la Ligue junior majeure du Québec au moment où on enregistre ce podcast. Il a 73 points, choix de 5e ronde du Canadien de Montréal. On parle évidemment de Josua Roy. Bon après-midi, Josua. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Toi, ça va bien. Ça a l'air à bien aller depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui fait en sorte ce déblocage-là? Ben, je pense que c'est un mix de tout. Écoute, tu sais, je suis arrivé à Sherbrooke vraiment plus en forme. Tu sais, j'ai travaillé fort cet été. Puis, tu sais, j'avais un mindset de changer un peu ma game, quelques aspects comme être plus impliqué en général dans le game. Puis, je pense que je travaille beaucoup là-dessus. Puis, ça va beaucoup mieux sur ce côté-là. Puis aussi, mes deux partenaires de trio, Xavier Parent puis Julien Anctil, c'est deux excellents joueurs. Fait que c'est sûr que ça aide de jouer avec deux bons joueurs dans le même. OK. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-John? Parce que je me rappelle, à 15 ans, tu étais le meilleur joueur, tu étais le tout premier choix overall de la Ligue junior du Québec au repêchage. Ça n'a pas fonctionné du tout à Saint-John. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le déblocage? Est-ce que c'est changement d'air, peut-être trop loin de la famille, dans un environnement d'hockey? Je ne sais pas, je te pose la question. Je te dirais que c'est vraiment le changement d'air. Tu sais, je pense que j'avais besoin de changement. Il y a des choses qui sont arrivées à Saint-Denis. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais tu sais, je pense que je suis arrivé ici. Puis, Sherbrooke m'ont vraiment pris en main. Écoute, tu sais, j'avais des trainings d'extra puis tout. Mais je pense que ça l'a juste aidé que je change d'équipe. Toi, Josua, on disait que peut-être ton manque peut-être d'effort, ton manque d'intensité, c'était ça à travailler. Moi, je me rappelle, lorsque le Canadien t'a repêché en 5e ronde, je me disais, pourquoi qu'il sorti en 5e ronde? Puis, qu'est-ce qu'on te reprochait, c'est ton manque d'intensité. Es-tu d'accord avec ça? Oui, c'est sûr que ça, c'était une autre chose que je voulais améliorer. Puis, tu sais, je travaille fort là-dessus pour prouver aux gens que je ne suis pas un lâche, on peut dire, puis que je suis capable de travailler. Là. Le fait d'avoir été repêché par le Canadien, ça a été une motivation supplémentaire? Oui, c'est sûr. Écoute, tu sais, les Canadiens, c'est l'équipe de au Québec. Puis, tu sais, dans ma famille, on était tous des fans du Canadien. Tu sais, on regarde, je m'en souviens, quand j'étais jeune, je regardais les Canadiens à la TV. Fait que de pouvoir être drafté par eux, tu sais, c'est merveilleux. Là. On commence à dire, je regardais sur Twitter ce matin, on commence à dire que tu pourrais être le vol du repêchage. C'est flatteur, ça? Oui, c'est sûr que c'est flatteur, mais tu sais, je ne m'en fie pas trop à ça. Écoute, je pense que c'est des choses que je ne peux pas vraiment contrôler, puis c'est des distractions. Tu sais, je me concentre sur ce que je peux faire. Tu sais, c'est d'être performant sur la glace. Fait que, tu sais, je vais me contenter de ça. Là. OK. Je veux voir si on parlait un peu aussi de la fin de la saison avec le Phoenix. Comment tu vois ça? Ben, je pense que tu sais, on joue beaucoup de games ouais. Un peu de temps. Fait que je pense que ça va être de bien ménager notre énergie. Écoute, ça va être important de faire les petits détails, de se coucher tôt, de bien manger puis s'hydrater parce que on a comme objectif de finir premier dans notre division pour pouvoir avoir un chemin un petit peu plus facile durant les séries. Fait que je pense que c'est vraiment notre objectif. Fait que ça va être important de gagner le plus de games possible parce que ça va être très serré pour la première position dans notre division. Là. OK. Je veux voir si on parlait un peu aussi de Team Canada. Le championnat du monde a été déplacé à l'été pour les raisons qu'on connaît. J'imagine que ton objectif, c'est d'être réinvité parce que tu avais été invité avant que le tournoi soit cancellé. Donc, toi, le fait que tu es les premiers marqueurs de la Ligue, 18 ans, c'est quand même exceptionnel. Là. J'imagine que tu espères grandement faire partie de Team Canada cette année. Ben, c'est sûr, écoute, Team ouais. Canada, c'est un de mes objectifs. Fait que je vais travailler fort, puis il arrivera ce qui arrivera. Je pense que je ne me fie pas trop à ça. Ce n'est pas quelque chose que je contrôle encore là. Ouais. Je vais travailler fort, puis je vais être super heureux si je t'ai invité. Là. Ben, Josua, tu as été le meilleur des chances. J'ai bien hâte de voir avec le Canadien. J'ai l'impression que tu es passé d'un prospect repêché en 5e ronde, d'un prospect de qualité. Bien hâte de voir ton développement au cours des prochaines années, surtout avec une nouvelle administration. Puis le fait qu'on veut, on veut développer davantage, ça doit être encouragé aussi, ça? Oui, c'est sûr. Écoute, tu sais, je pense que l'organisation a vraiment pris un step. Tu sais, juste avec Martin Saint-Louis, tu sais, c'est pas un, je dirais pas que c'est un coach d'expérience, mais tu sais, c'est vraiment c'est un gros nom. T'sais, il a fait beaucoup d'exploits. Fait que je pense que ça va, c'est juste du bon pour l'organisation. Depuis que ça a changé l'administration, est-ce que tu as vu une différence? Est-ce qu'il te voit plus? Est-ce qu'il te parle plus? Depuis que l'administration avec Ken Hughes, Jeff Gorton et ainsi de suite ont changé, est-ce que tu les vois plus dans ton entourage? Je te disais que c'est moins eux que je ne rentre pas en contact avec eux, c'est plus avec Rob Ramage puis okay. François Pignon avec qui que je parle. T'sais, ils viennent à une couple de mes games puis ils me parlent quand même souvent. Fait que, okay. Ils gardent un suivi quand même. Là, puis je parle aussi aux préparateurs physiques. Fait que, ils me suivent de préparer. Là. OK. Ben, Jojo, félicitations, merci. Et on va tirer avec la Phoenix de Sherbrooke et avec le Rocket de Laval, sûrement peut-être l'an prochain ou dans 2 ans. Yes, merci beaucoup. Josué Roy qui domine la Ligue junior majeure du Québec avec 73 points.